Backstage, les coulisses du son. Vous écoutez Backstage. En couleur, en concert. Sur RQC. Eh bien, bien le bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, auditrices d'RQC 95 FM, avec vous jusqu'à 10h30. Scream pour l'émission Backstage. Et aujourd'hui, ben, on a décidé de vous jouer un album de 1989. Et un excellent album. Je vais d'abord vous faire découvrir avec le premier extrait, comme on fait d'habitude. Et on se retrouve tout de suite après pour la présentation de ce magnifique album. C'est parti! We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines. Bye. Et ben voilà, je ne sais pas si vous avez reconnu, il s'agit tout simplement de Janet Jackson avec l'album pharaonique sorti en 1989 qui s'appelle tout simplement Rhythm of the Nation 1814. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet juste avant de vous parler de cet album qui est un de ses meilleurs albums quand même de Janet Jackson, faut reconnaître ce qu'il y est quand même. Janet Jackson, donc Janet D'Amita Jo Jackson, qui est née le 16 mai 1966, qui a juste 50 ans et qui est juste maman, donc félicitations pour elle, hein, voilà, à la place de parler toujours d'artistes qui cassent leur pipe malheureusement, ben là on annonce une petite naissance et c'est bien. Elle est née en Gary, Indiana, donc aux États-Unis, dans une banlieue de Chicago, chanteuse, danseuse et actrice. Elle fait dans le genre R&B, pop, dance, rock, hip-hop et de la funk. Elle est active depuis 1973, donc 1973, et le label chez Islands, Virgin et AM. Son site officiel c'est Janet Jackson. En un mot, tout attaché, donc .com. Alors, Janet D'Amita Jo Jackson, née en 1966, le 16 mai, à Gary, dans l'Indiana, est une chanteuse de R&B américaine, 9e et dernier enfant de la famille Jackson. Bon, je ne vais pas vous citer les frères et les sœurs d'autres sœurs que vous connaissez. Hein. Vous les connaissez pratiquement tous dans la famille Jackson. Et la sœur cadette, bien entendu, de Michael Jackson. Après avoir signé un contrat d'enregistrement avec AM, elle connaît une grande notoriété dès la sortie de son troisième album en 1986 qui s'appelait tout simplement Control, insérant au sein de la musique pop des éléments de R&B, dance, funk et rock. Avec des accents industriels, son quatrième album, Rhythm Nation, axé sur des thèmes socialement responsables, lui permet de décrocher 4 singles numéro 1 aux États-Unis. Elle signe au début des années 1990 un des plus gros contrats avec Virgin Records, l'établissant comme l'une des artistes les mieux payées de l'industrie musicale. Les albums Janet et The Velvet Rope connaissent un large succès mondial. Le Billboard l'a nommant deuxième chanteuse ayant le plus réussi dans la décennie, juste après Mariah Carey. 5 autres albums suivent dans les années 2000, All For You, D'Amita Jo, Trentin, Io, Disciple et Unbreakable. En 30 ans de carrière, Janet Jackson a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. 5 de ses albums figurent parmi les 200 albums définitifs du Rock and Roll Hall of Fame, les 500 plus grands albums du magazine Rolling Stone et les 120 albums plus pop essentiels du magazine The Telegraph. Elle a accumulé un vaste catalogue de hits avec des singles tels que Nasty, Rhythm Nation, This is the Way Love Go, Whoop No, Runaway, Got Till It's Gone, ainsi que les énormes tubes mondiaux Together Again ou All For You. Elle a également joué au cinéma, notamment dans Poetic Justice, que je vous conseille si vous n'avez pas vu, La Famille Folding avec Monsieur Eddie Murphy. Et Why Did It Go Married? Voilà, après je vais vous parler un petit peu de son enfance, de Janet. Bon, elle a eu une enfance un peu laborieuse, un peu comme dans la famille Jackson, mais bon, je crois que Joe est derrière eux, et c'est grâce un peu, malheureusement, au coup de badine, comme il disait, qu'ils sont arrivés là où ils sont pour le moment, quoi. On va s'écouter. Le deuxième titre, cet album que j'apprécie très fort de Janet, est chaque fois entrecoupé d'interludes, et ça donne un peu une couleur à l'album, franchement, qui est excellent. Je vous le conseille. On va s'écouter Miss You Much et on se retrouve tout de suite après. Backstage, les coulisses du son. Get the point? Good. Let's dance. Hey! Voilà, donc c'était Miss You Much de Janet Jackson. Je vous l'ai dit, l'album il est excellent et franchement vous n'allez pas être déçu avec cet album que je vous présente en long et en large. On va essayer de vous présenter un maximum de cet album, donc qui est tout simplement Rhythm Nation. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu de son enfance, de 1966 plus ou moins en 85, née et élevée à Gary, Indiana, en banlieue de Chicago. Janet Jackson est la dernière de la famille Jackson. Son rêve d'enfance est d'être jockey, avec l'intention de gagner un peu d'argent à côté en faisant de la comédie. Son père, Joseph Jackson, l'incite à suivre la voie du divertissement aux côtés de ses frères, The Jackson 5. Et Janet considère alors l'idée de s'enregistrer elle-même en studio. Une biographie, écrite par Cornwell et Jane en 2002 révèle que son père, Joseph, était assez distant et qu'il lui demandait de l'adresser solennellement par son prénom. Donc voilà, et de ne jamais l'appeler papa. Comme je vous l'ai dit, ils étaient élevés quand même assez à la dure, les Jackson. Un jour, je vous ferai un backstage sur Michael et vous verrez ce qu'ils ont subi. Janet confirmera cette anecdote lors d'une interview en 2001 avec Piers Morgan. À l'âge de 7 ans, elle se retrouve sur scène pour la première fois avec ses frères lors d'un concert à Las Vegas. Elle commence à faire de la comédie dans l'émission du divertissement The Jackson en 1976 et apparaît dans plusieurs comédies comme Good Time ou A New Kind of Family et même Fame la saison 4 et Different Strokes. Mais Joseph préfère qu'elle fasse plutôt une carrière musicale qu'il jugeait d'avance plus rémunératrice plutôt que cinématographique. Alors, je continue, je prends juste mon autre petite page. Janet confie qu'à l'âge de 10 ans, elle a dû faire face à la pression lorsque les problèmes de poids ont débuté. Lorsqu'elle fut engagée pour un rôle dans la sitcom américaine Good Time, on lui demanda de perdre du poids et de cacher sa poitrine qui commençait à se développer. Le message était très clair. Pour avoir du succès, je devais changer mon apparence, écrira-t-elle dans son livre True You. Journey to Finding and Loving Yourself. Ces deux premiers disques ne connaissent qu'un succès d'estime, Janet Jackson et Dream Street. Côté vie privée, elle se marie avec James DeBarge du groupe DeBarge, donc si vous vous souvenez, elle DeBarge. Alors qu'elle n'a que 18 ans, le mariage ne durera que 6 mois. Je vous parlerai après de l'album Control et de l'album Janet, mais juste avant, on va s'écouter Stead of the World, donc toujours de cet album, Rhythm the Nation. Vous écoutez Backstage. The homeless problem. Good looks and die violent. Tiananmen Square today. Up to the adults to teach the children. Period. A pain reliever. The bullets. Attempting fast money. Violent crimes are on the uprise. So frustrating. Play. Excellent titre aussi qui donne envie de bouger à Stay the World de Janet Jackson. On poursuit donc sur l'album Reason of the Nation. Et bien entendu, comme je fais d'habitude, je vous parle un petit peu de l'album et aussi de Janet et de son historique, donc comme chaque artiste. Donc de 86 à 88, Control, c'est en 1986 qu'elle obtient un succès mondial avec l'album Control vendu à 14 millions d'exemplaires. L'album est produit par le tandem Jimmy Jam et Terry Lewis, d'anciens musiciens de Prince reconvertis en producteurs qui ont été présentés à Janet par le manager de celle-ci, John McLean. Le son de l'album est volontairement orienté Minneapolis Sound, le courant musical le plus en vogue, l'époque est caractéristique des hits de What Have You Done For Me Lately ou Nasty. Suite à cet album, la chanteuse s'exile pendant 2 ans afin de préparer un nouvel album. Cet album, donc, c'est Reason Nation 1814. Son successeur, le groovesque Janet Jackson Reason Nation 1814, est publié en 1989 et conserve la même équipe de producteurs. Il se vend à 14 millions d'exemplaires. L'album évoque le racisme, les problèmes de la rue et les difficultés scolaires telles que l'illettrisme. Les singles se vendent particulièrement bien aux États-Unis. 7 chansons de l'album atteignent le top 5 du Billboard Hot 100, dont 4 à la première place. Et la tournée triomphante de Reason Nation World Tour 1990 propulse Janet Jackson au rang de star internationale. Je peux vous dire, franchement, c'était une tournée phénoménale. J'ai eu l'occasion de voir cette tournée et je ne le regrette, mais alors là, vraiment pas du tout. Bien au contraire, pour moi, c'était du grand Janet Jackson. En 1990, elle devient la plus grande vendeuse de disques de l'année et récolte une quantité impressionnante de prix, dont 14 Billboard Music Awards et plusieurs American Music Awards, MTV VMA Awards et même un Grammy Award dans la catégorie Best Long Form Video pour le single Rhythm Nation. Par ailleurs, elle reçoit le 20 avril 1990 son étoile sur le Hollywood Boulevard. Elle devient aussi un modèle pour de nombreux jeunes tant que par son engagement par la cause des enfants défavorisés que pour son aide pour la lutte contre la prise de drogue. Donc c'était sur un peu sur l'album Janet Jackson, Rhythm Nation. On va s'écouter un autre titre, le quatrième que j'ai envie de vous passer, c'est All Right. Backstage, les coulisses du son. Yeah. Voilà, donc c'était le titre All Right de Janet Jackson, extrait de l'album Reason of the Nation. Alors, on passe de 1993 à 96 en vous parlant un peu de Janet Jackson. Toujours, ben oui, fatalement, c'est le backstage Janet Jackson, hein, que je suis bête, je vais pas dire de bêtises. Hein. Et en vous parlant de Poetic Justice et Design of the Decade. En 1991, elle rejoint l'écurie Virgin, Richard Branson étant fermement décidé à revitaliser l'image de Virgin Records America, signe alors avec Janet Jackson un contrat record de $40 million pour l'enregistrement d'un seul album, Janet. Sorti en mai 1993. Elle y délaisse son look de garçon manqué et militaire en se réinventant une image glamour et très sensuelle. Elle fait notamment la couverture de Rolling Stone Magazine où elle apparaît simplement vêtue d'une paire de jeans et des mains de son mari de l'époque, René Elisebo Jr., recouvrant ses seins. L'album fait exploser les ventes. L'album fait exploser les ventes avec plus de 20 millions de copies à l'époque, dont 7 uniquement aux États-Unis, où elle devient la première femme à entrer directement numéro 1 dans le Billboard 200, plus de 350 000 exemplaires écoulés en une première semaine, et réussit à y rester en tête des ventes pendant 6 semaines avec le single That's the Way Love Goes. Occupe quant à lui la numéro 1 du classement pendant 8 semaines et remporte le Grammy Award dans la catégorie Best R&B Song. Les singles suivants connaissent tout un succès mondial. Côté vie privée, elle se fait très discrète en épousant dans le plus grand secret René Elisebo Jr. Ce mariage ne deviendra notoire qu'en 1999, au moment où René demandera le divorce en juillet 1993. Elle est la vedette principale du film Poetic Justice. Elle sort ensuite une compilation CD et DVD Design of a Decade de 1986 à 1996 qui atteint la troisième place du Billboard Hot 200 aux États-Unis et qui dépasse la barre des 10 millions de ventes mondiales. En 1995, juste après la fin de sa tournée Janet World Tour, elle enregistre avec son frère Michael le single Scream. Le clip issu de ce duo devient très médiatisé et pour cause, coûtant $7 millions. Il est à l'époque le clip le plus cher de l'histoire. La vidéo est tournée en noir et blanc et sa réalisation est confiée à Marc Romanek. Janet y apparaît avec un look aux antipodes de son image glamour, cheveux courts, attitude trash et sex appeal sauvage. La collaboration reçoit de nombreux prix, notamment celui du Best Dance Video au MTV VMA Award en 1995 et celui du Best Short Film Video au Grammys Award de 1996. Janet Jackson signe ensuite pour un nouveau contrat, toujours chez Virgin, de $100 millions. De 1997 à 1999, The Velvet Room, l'automne 1997 voit la sortie de l'opus The Velvet Rope. L'image de Janet et le contenu de l'album dérangeant. En effet, celui-ci est le fruit d'une longue dépression que la chanteuse confesse avoir traversée à la suite de sa tournée, ayant pour origine son sentiment de solitude et le grand manque d'estime dont elle dit avoir beaucoup souffert pendant son enfance. Côté look, elle scandalise. Le bébé de l'Amérique se perce le nez et les seins abordent différentes tatouages et adopte une coupe de cheveux africaine. Néanmoins, les critiques soulignent la maturité des textes et de ses compositions. L'album est un énorme succès au Japon et en Europe, plus de 10 millions de ventes. Tandis que l'Amérique, peu d'ibonde, se montre plus réticente. Toutefois, la tournée The Velvet Rope Tour et hop, je change un petit page. C'est un grand succès aux États-Unis et permettent à l'album de s'y vendre à 3,8 millions d'exemplaires. La tournée terminée, elle entame une série de collaborations avec Elton John, Backstreet et Busta Rhymes. On va s'écouter un autre titre et puis on se retrouvera un petit peu pour vous parler un petit peu de choses là sur Janet. On va s'écouter Living in the World de Janet Jackson. Vous écoutez Backstage. Superbe chanson quand même, Living in a World de Janet Jackson, extrait de l'album Reason Nation. C'est le backstage de cette semaine. Alors, on poursuit bien entendu ce backstage consacré à l'album de Janet Jackson, Reason Nation 1814. Alors, en 2015, Reason Nation record et Unbreakable. Le 16 mai 2015, Janet Jackson annonce un nouvel album, Unbreakable, le premier depuis 7 ans, ainsi qu'une nouvelle tournée, Unbreakable World Tour. Elle crée son propre label musical, Reason Nation Record. Le premier single, No Sleep, est mis en ligne sur la chaîne YouTube de la chanteuse le 22 juin. Publié le 2 octobre 2015, l'album est intégralement produit par le trio Janet, Jimmy James et Terry Lewis. Et se classe numéro 1 aux États-Unis. La tournée mondiale débute le 31 août 2015. Alors, la vie privée de Janet Jackson, c'est simple. Hein. Janet Jackson avait un lien très fort, et ça on le sait, avec son grand frère Michael. Notamment, si vous faites attention, des fois, au début de la carrière de Janet, elle avait toujours une boucle d'oreille avec un anneau. Ça a une petite histoire que je vous confierai un jour, comme ça, de cette fameuse boucle d'oreille. Depuis leur enfance, donc. Lorsque Janet était encore enfant, Michael avait l'habitude de l'appeler sa sœur Dunk, parce que sa taille la faisait ressembler à un âne. Janet l'appelait Mike. Ils avaient l'habitude de se rendre au ranch de Neverland, dont son frère était toujours resté proche de lui, même lorsque ce dernier décida de couper certains liens de son entourage familial et à partir de mai 2005, après une affaire judiciaire. Voici un récapitulatif donc de ce que je vais un peu vous dire de ces unions. Janet Jackson reste discrète sur sa vie privée. Elle s'est mariée 3 fois et a eu plusieurs relations. À l'épouse le 7 septembre 1984, James DeBarge, l'union fut annulée par la justice le 18 novembre 1985. À l'épouse dans le secret total le 31 mars 1991, René Elizondo Jr. Elle demande le divorce le 13 mars 2000 pour le motif acceptation de principe de la rupture de mariage par la voix de son avocat. En 2002, Janet a eu une relation avec Matthew McConaughey, acteur, producteur et scénariste américain, à la suite de leur rencontre à la cérémonie des Grammys. À l'époque, McConaughey affirmait qu'il était juste ami, puis Janet admettra plus tard leur brève idylle. La même année, elle se met en couple avec le producteur de musique Jermaine Dupri. Après 7 ans de vie commune, le couple se sépare en 2009, peu de temps après la mort de son frère Michael. Elle se met en couple en février 2011 avec Wissam Al-Manna, un milliardaire du Qatar de 9 ans de son cadet, qu'elle épouse un an après lors de la cérémonie privée le 13 novembre 2012, et pour qu'ils aillent se convertissent à l'islam. Le 6 avril 2016, elle annonce sous le réseau social qu'elle attend son premier enfant pour la fin de l'année, à l'âge de 50 ans, conçu par une fécondation in vitro. Elle donne naissance à son premier enfant le 3 janvier, donc c'est tout frais, hein, 2017, un garçon prénommé Aïssa Al-Manna. Il faut savoir aussi qu'elle a nommé aussi, il se prénomme aussi Michael en hommage à son frère. Son style musical se définit entre R&B, pop, soul et rhythm and blues. Elle commence sa carrière avec des albums qui mélangent soul, disco, rhythm and blues, funk et pop. Puis elle décide de donner à ses chansons un style plus urbain. Elle utilise la new jack swing et le hip hop tout en gardant le rhythm and blues, la soul et la pop. À l'arrivée de R&B, elle abandonne définitivement le rhythm and blues pour adopter ce nouveau genre musical. Elle est aujourd'hui définie comme une chanteuse de R&B pop ayant influencé de nombreux artistes R&B de son année des années 2000 tels que Beyoncé ou Ciara. Je vous parlerai un petit peu de sa discographie. Et on va s'écouter un titre qu'elle a produit sur l'album, donc Reason Nation, avec son ami Jelly Bean Johnson. Franchement, c'est ma chanson préférée. Et quand j'ai eu l'occasion de voir cette tournée, elle a annoncé que sur scène, c'était un jeune guitariste qui était là sur scène pour jouer, âgé à l'époque de 17 ans. Voilà, c'était assez remarquable parce que ce morceau, il est tuant. Bon, bah, je vais vous le faire découvrir, c'est Black Cat. Backstage, les coulisses du son. Ain't no acid in this house. We'll be right back. C'est ma chanson préférée, Black Cat. Et voilà, vous comprenez pourquoi quand elle a dit que c'était un jeune prodige de 17 ans, ben, il se débrouillait à l'époque déjà pas mal du tout. Et c'était un petit inconnu mais qu'elle avait pris pour sa tournée. Oui, voilà. C'est bien aussi comme ça de pouvoir jouer sur scène avec des grandes personnes, de grands talents qui font découvrir des petits qui deviendront très grands. J'en suis sûr et certain. Alors, on va continuer. Je vais un peu vous parler de la discographie de Janet. Hein, ben, en 82, l'album Janet, en 84, Dream Street, en 86, Control, en 89, bon, c'est l'album Janet Jackson, The Rhythm of Nation, 1814, 93, Janet, en 97, The Velvet Rope, en 2001, All For You, en 2004, Dammy Taggio, en 2006, Y.O., en 2008, Discipline. En 2015, Unbreakable. Alors, en compilation, on a en 95, Design of a Decade. De 86 à 96. 2009, Number One, The Best. En 2010, Icon Number One. Album Remix. Alors, on a en 87, The Control, The Remix. Et en 95, Janet Remixed. Alors l'album Rhythm of the Nation, il faut savoir qu'il est sorti en 89, le 19 septembre. Il a été enregistré de septembre 88 en mai 89. Il dure 64 minutes 32 pour être plus précis. Il est classé en catégorie R&B Pop New Jack Swing. Il existe en format vinyle et CD. Alors le producteur c'est John McLean, Jimmy James et Terry Lewis, Janet Jackson et Jelly Bean Johnson. Il est sorti sur l'album AFM Record. Et alors en single, il y a eu en single Miss You Much, Rhythm of the Nation, Escapade, All Right, Come Back to Me, Black Cat, Living in the World, Set the World. C'est son quatrième album donc de Janet. Alors sur le contenu de l'album, je ne vais pas vous dire même les interludes parce qu'il y en a énormément. Il est considéré comme 20. Il y a 20 titres quand même de cet album. Et il est super, super. Alors l'éthique de l'album est assez froide. Les photos sont en noir et blanc. Et dans les clips, Janet apparaît très masculine notamment et en militaire de Rhythm of the Nation. Le clip de Come Back to Me a été tourné à Paris, ça il faut le savoir. Et en 2012, cet album est classé parmi les 50 plus grand album de tous les temps catégorie Woman Woo Rock par Rolling Stone Magazine. On va s'écouter Escapade. Nous on se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau backstage. Sinon ben restez bien branchés sur RQC. Nouveau backstage, ce sera un live cette fois-ci. Ciao les amis. Vous écoutez Backstage. Baby. Hey baby. Don't get me in here acting silly now. You're not taping this, are you? Edit. We'll